Chapitre 6e. Projet d'avenir. Berton, placé auprès de celle qu'il aimait déjà, était aux anges. Il bâtissait 1000 projets d'avenir. Il avouerait sa supercherie, ferait connaître sa véritable situation qui, après tout, n'était pas si mauvaise. Il épouserait Marthe et vivrait heureux, avec un intérieur modeste, mais suffisant et entouré d'une famille honorable. Le tailleur était au petit soin pour son hôte. Madame de Conin, qu'elle aussi, se montrait fort aimable. Marthe était gracieuse. Seul le fils, le demi-aveugle, se renfermait dans un silence maussade qu'excusait mal son infirmité. L'inspecteur fit allusion à la visite qu'il avait voulu faire l'avant-veille. Le tailleur l'expliqua en disant que sa femme et sa fille, étant fatiguées, s'étaient couchées, ainsi que son fils, que lui avait voulu rester pour terminer un ouvrage pressé, et que, ne sachant pas qui venait frapper à sa porte, il n'avait pas voulu répondre en voyant au diable les importuns. « Si j'avais su que ce fût vous, dit-il, j'aurais appelé pour qu'on allât vous ouvrir. Je regrette fort, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. »« Au contraire, répondit Berton, j'aurais été désolé que vous eussiez réveillé Madame de Coninck ou Mademoiselle Marthe pour moi. » Le repas terminé, l'inspecteur prit le tailleur à part et lui demanda si sa fille avait quelque engagement pour un futur mariage. « Aucun, répondit le paralytique, mais je vous prie d'être encore fort réservé. Je ne puis rien vous dire avant d'avoir réfléchi et d'avoir sondé les sentiments de Marthe. Et puis il faut que je m'enquière sur votre situation, votre famille. C'est trop juste, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, dit Berton. Attendez, vous aussi. Je vous fournirai tous les renseignements nécessaires. Pourquoi donc pas tout de suite ? J'ai besoin de consulter ma famille. Mais je vous le dis à l'avance, quoi qu'elle puisse dire et faire, mes sentiments ne seront pas changés. Eh bien, attendons tous les deux. » Berton eut bien voulu, avant de se retirer, faire considérer Marthe comme sa fiancée et lui donner le baiser d'accordaille. Mais il lui fallut s'expliquer, et il ne voulait le faire trop tôt. Il dut donc prendre congé en se contentant de la pression de main qui, deux fois déjà, l'avait charmé. Elle lui sembla cette fois plus accentuée. « Allons, se dit-il, du courage et de l'espoir. Je crois que j'arriverai. » Le lendemain, il recevait une demi-douzaine de numéros du grand journal que lui envoyait le directeur à l'adresse qu'il avait donnée, M. Jacques Berthier, à l'hôtel du Lion d'Or. Il s'empressa d'aller emporter un haut tailleur qui le lut avidement et lui en fit 1000 compliments. Marthe aussi le remercia en lui disant que cela l'avait prodigieusement intéressé. Les jours suivants, il passa ses soirées chez de Coninck, de plus en plus heureux, car Marthe était de plus en plus gracieuse avec lui. Ce Jean, l'homme bésigle, continua à lui faire mauvaise figure, mais que lui importait l'hostilité de cet infirme. Après tout, se disait-il, du moment où Marthe m'agré, où le père et la mère m'acceptent, qu'ai-je à redouter de lui ? La seule chose qui l'inquiétait, c'était la nécessité où il serait amené d'avouer son mensonge, de déclarer qu'il n'était point journaliste, mais agent de la sûreté. C'était là le point scabreux. Tant de gens ont des préjugés innés contre ces représentants de la sécurité publique qui, au prix de 1000 fatigues et souvent au risque de leur vie, protègent la société contre les malfaiteurs. On devrait les vénérer et on les méprise. De jour en jour, l'aveu lui brûlait les lèvres. Il n'osait le faire. Il allait cependant y arriver quand un contretemps se produisit. Duval-fils avait énergiquement protesté de son innocence. Tous les efforts du juge d'instruction pour le faire avouer avaient été infructueux. La hachette et le sabot taché de sang avaient été envoyés à Paris et soumis à l'examen des experts légistes. Leur rapport fut très net. Le sang était non pas du sang humain, mais simplement du sang de lapin. Duval-fils était donc reconnu indemne du crime. On le remit en liberté. Et comme pour mieux démontrer son innocence, le jour même où il sortait de prison, le procureur de la République faisait demander Berton d'urgence. Le juge et le procureur de la République étaient réunis. « Eh bien, monsieur l'inspecteur, dit le premier, il paraît que le chef de la sûreté n'a pas eu la main heureuse en vous choisissant pour nous seconder. Non seulement vous n'avez pas découvert les coupables, mais les crimes sont plus nombreux que jamais. « Que s'est-il donc passé ? » demanda Berton interdit. « La nuit dernière, au hameau des Châtaigniers, on a assassiné deux vieilles demoiselles, les sœurs Denise et Anastasie Boujon. Et c'est le même procédé. Donc ce sont les mêmes bandits. Qu'avez-vous à dire à cela ?» Berton était terrifié. Il fit comme la précédente fois, il accompagnait les magistrats sur le lieu du crime. On interrogea le frère des victimes, Alexandre Boujon. Tout ce qu'il put dire, c'est que, mis en éveil le soir par un bruit inusité, il s'était levé et mis à la fenêtre. J'aperçus, déclara-t-il, trois hommes qui s'en allaient. L'un d'eux était assez grand, le second plus petit et d'allure plus jeune. Le troisième avait l'air d'un gamin, petit, fluet, obligé de courir pour suivre le pas des autres. On retrouvait, réunis cette fois, les deux hommes, le grand et le tout petit, vus par Marthe de Coninck le soir du vol Barcelon, et l'homme de taille moyenne, aperçu par la gouvernante du curé. C'était quelque chose, mais cela n'avançait pas beaucoup l'instruction. Les magistrats revinrent désappointés, et Berton plus qu'eux encore. En rentrant le soir à Rambouillet, sans prendre le temps de dîner, il courut chez de Coninck. Il le trouva à table avec sa famille. « Parbleu, vous arrivez à merveille, » dit le tailleur. « Vous allez manger un morceau avec nous. »« Volontiers, » répondit l'inspecteur en se mettant à table. « D'autant plus que je reviens de la campagne et que j'ai gagné de l'appétit. »« Ah, vous avez été sans doute faire une enquête au châtaignier où a été commis un nouveau crime. »« Justement, j'en arrivais quand je suis passé devant chez vous. » « Et a-t-on découvert les assassins ?»« Non, on les a vus cette fois. »« Tiens, tiens. » Espérons que cela permettra d'arriver à un meilleur résultat que pour les autres crimes et qu'on n'arrêtera pas cette fois un innocent. » »« Dites donc, vous qui aviez fait sur ce pauvre Duval un si bel article. » »« Que voulez-vous ? J'étais trompé comme les autres. » »« Évidemment, évidemment. Cela arrive tous les jours. » »« On reçoit chez soi des gens en qui on a pleine confiance et un beau jour... » on s'aperçoit qu'on a été indignement abusé. » De Coninck disait cela d'un ton qui inquiéta Berton. Aurait-il appris quelque chose ? Se demanda-t-il, et voudrait-il me faire grief de ne pas lui avoir avoué ma réelle profession ? Mais il se rassura en entendant le tailleur ajouter : Tout le monde n'est pas aussi honnête que vous, mon petit Berton. Et on a plaisir à trinquer avec des braves gens. À votre santé, jeune homme. » Il tendait son verre, l'inspecteur le choqua du sien. « À votre santé, » reprit de Coninck, « et aussi, » ajouta-t-il en clignant de l'œil, « à la réussite de certains projets dont nous nous sommes entretenus récemment. »« Et que je voudrais bien voir aboutir, » s'écria le jeune homme. « Patience, patience, tout vient à point à qui sait attendre. » On causa encore de choses et d'autres, puis, comme l'heure s'avançait, Berton se leva et prit congé de ses hôtes. Avant de partir, comme il tendait la main à Marthe, « Allons, embrassez-la, allez !» dit joyeusement le paralytique. Marthe présentait sa joue, l'inspecteur y déposa un baiser et s'enfuit tout joyeux.